إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc alhamdulillah comme notre frère qui a fait la présentation l'a indiqué. Aujourd'hui, on va lire ensemble une petite risala du Cheikh Al-Fawzan, Salih Al-Fawzan, qui fait partie de Hay'at Kibar Al-Ulama en Arabie Saoudite, un des grands savants de l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Et le titre de cette risala, c'est Sifat al-Da'iya al-Najih, c'est-à-dire les caractéristiques du Da'iya, la personne qui invite les gens à l'islam et qui a du succès dans sa da'wah. Donc on va commencer tout de suite dans la lecture de cette risale. Le Cheikh il dit « فإن موضوع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى موضوع مهم فالدعوة إلى الله تعني طلب الدخول في دين الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Donc le Cheikh, pour commencer cette petite risala, il dit que premièrement le sujet de la da'wa, le sujet d'inviter les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un sujet qui est très important, parce que le fait d'inviter à Allah subhanahu wa ta'ala, ça signifie d'inviter les gens à entrer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce que c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes, c'est-à-dire qu'il nous a créés pour son adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 56 et 57, dans surat al-Dhariyat, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas de leur part aucune subsistance et je ne veux pas non plus qu'ils me nourrissent. Inna Allah huwa al-Razzaq, c'est-à-dire Allah, certes, c'est celui qui donne aux hommes la subsistance qui est al-Razzaq, dhul quwwati al-matin, c'est-à-dire qui est celui qui détient la force, hein, et qui est le détenteur de la puissance. Donc, après le Cheikh, il dit, وَعِبَادَتُهُمْ لِلَّهِ يَرْجِعُ نَفْعُهَا إِلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ هُمُ الْمُحْتَاجُونَ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى فَإِنَّهُ غَنِيٌّ عَنْهُمْ وَعَنْ عِبَادَتِهِمْ قال تعالى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Donc le Cheikh il dit que l'adoration des hommes lorsqu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, le bienfait de cette adoration-là revient à eux-mêmes, c'est-à-dire le bienfait de cette adoration retourne aux êtres humains qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même n'a aucun besoin de leur adoration. Allah subhanahu wa ta'ala se suffit à lui-même, hein, il est al-ghani, celui qui se suffit à lui-même. Et donc il n'a pas besoin d'eux, il n'a pas besoin de nous les créatures, et il n'a pas besoin non plus de notre adoration. Ben, le bien de notre adoration revient à nous-mêmes, et c'est pour notre bien, à nous, qu'on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset 8 dans sourate Ibrahim, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous rejetez la foi, vous tous qui êtes sur la terre, il y en a tous les êtres humains sur la terre, si vous rejetez toute la foi, eh bien sachez que Allah subhanahu wa ta'ala est le riche et qu'il est digne de louange. Donc il peut très bien se passer de nous tous. Et le Cheikh il dit ensuite, وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Donc le cheikh il nous mentionne ce hadith qui est un hadith qudsi, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est mentionnée, et que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce n'est pas la parole d'Allah dans le Coran, c'est la parole d'Allah qui est transmise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette parole, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Il dit « Oh mon serviteur, ou oh mon esclave, si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, les hommes d'entre vous et les djinns d'entre vous avaient le cœur de l'homme le plus pieux d'entre vous, et que yani, vous étiez tous réunis dans un seul endroit pour yani, m'adorer, que vous étiez tous pieux, avec un cœur pieux, comme le plus pieux d'entre vous, ça n'aurait rien rajouté à mon royaume. Ça n'aurait rien rajouté à mon royaume. Et ô mon serviteur, si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, les hommes parmi vous et les djinns d'entre vous, aviez le cœur de l'homme le plus pervers d'entre les hommes, ça n'aurait rien diminué de ce qu'il y a dans mon royaume. Donc ça veut dire que le fait qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala, ou le fait qu'on s'égare et qu'on fasse de la perversité, ça n'ajoute rien à Allah et ça ne diminue rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que si on adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour notre bien à nous. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans cette parole? Il dit « Oh mon serviteur, c'est uniquement vos actions que je vais prendre en considération, sur lesquelles je vais me baser pour vous juger. Et puis je vais vous récompenser selon ce que vous avez fait. Alors celui qui trouve du bien, alors qu'il remercie et qu'il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui trouve quelque chose d'autre que du bien, alors qu'il ne blâme que lui-même. Il n'a personne à blâmer que sa propre personne. » Ensuite le cheikh il dit « فالعباد هم الذين فهم الذين فالعباد هم الذين بحاجة إلى أن يعبدوا الله من أجل أن ينالوا رضا الله ومغفرته ورحمته ومن أجل أن يدخلهم جنته وينقذهم من عذابه ولذلك خلقهم الله سبحانه وتعالى ولكن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يختبرهم وأن يمتحنهم ليتميز بذلك أهل الطاعة أو أهل طاعته من أهل معصيته والشيطان وحزبه يدعون الناس إلى الخروج عن عبادة الله إلى معصية الله وإلى اتباع الأهواء والشهوات ولذلك أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل يدعون الناس إلى الخير والشياطين تدعوهم إلى الشر والله جل وعلا يدعو عباده إلى طاعته وعبادته والله يدعو إلى الجنة والمغفرة والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. Donc le cheikh il dit donc que les serviteurs sont ceux qui ont le besoin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils puissent atteindre l'agrément et le pardon et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse entrer dans son paradis et qu'il les épargne et qu'il les sauve du châtiment de l'enfer. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala les a créés et donc la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala implique que les hommes soient mis à l'épreuve et qu'ils soient testés pour pouvoir distinguer par ce test entre les gens qui vont être parmi les gens de l'obéissance et ceux qui vont faire partie des gens de la désobéissance. Et le shaitan et son parti et ses alliés, ils invitent les hommes à sortir de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et à se diriger vers la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et vers la poursuite de leurs désirs et de leurs passions. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers pour inviter les hommes au bien. Et tandis que les shayatines et les diables, eh bien, eux de leur côté, ils invitent les hommes au mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala invite ses serviteurs à son obéissance et à son adoration. Et il mentionne des versets, comme le verset 221 dans Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là, et Allah invite au paradis, il appelle au paradis et à un pardon par sa permission. والله يدعو إلى الجنة paradis والمغفرة et le pardon par sa permission. Et il clarifie pour vous ces signes pour que vous puissiez vous en souvenir. Et il mentionne le verset 25 dans Sourate Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Allah invite à la maison de la paix, c'est-à-dire au paradis, et il dit qui il veut vers un droit chemin. Et il mentionne le verset 11 dans Sourate Ibrahim, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, il vous invite pour vous pardonner de vos péchés, et pour vous, il vous a donné un délai, et donc c'est jusqu'à ce délai-là qu'il vous laisse, jusqu'à ce que le délai d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive. Et le cheikh il dit ensuite, فَاللَّهُ يَدْعُوا عِبَادَهُ إِلَىٰ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ وَيَسْتَغْفِرُوهُ وَأَرْسَلَ الرُّسُلُ يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَىٰ ذَلِكَ وَكَلَّفَ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةَ الْأَنْبِيَاءُ بِالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ أَجْلِ مَصْلَحَةِ الْعِبَادِ وَمِنْ أَجْلِ مَنْفَعَتِهِمْ. Le cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala invite ses serviteurs pour qu'il l'adore, et il les invite à se repentir vers lui, à retourner vers lui en repentance et à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et il a envoyé les messagers avec des messages pour inviter les hommes à l'adoration comme on l'a dit, et il a mis la charge de cette da'wah aux savants de l'islam, les savants de l'islam qui sont les héritiers des prophètes, pour qu'ils invitent les hommes pour qu'est-ce qui est un bienfait pour l'humanité et pour le bien, et pour que cela leur profite. Le cheikh il dit ensuite, فَالدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ قَائِمَةٌ مُنْذُ حَصَلَ مَا حَصَلَ بَيْنَ آدَمْ وَعَدُوِّهِ الشَّيْطَانِ وَعِنْدَمَا تَكَلَّفَ الشَّيْطَانُ بِإِغْوَاءِ بَنِي آدَمْ مَنْ اسْتَطَعَ مِنْهُمْ وَإِضْلَاءُ يعني بإغواء بني آدم من استطاع منهم وإضلالهم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فلا شك أن هناك دعاة إلى الخير وهناك دعاة إلى الباطل من شياطين الجن والإنس حكمة من الله سبحانه وتعالى وابتلاء وامتحان للعباد منذ بدأ الخلق أو بدأ الخليقة إلى آخر الدنيا والصراع مستمر بين الحق والباطل وبين الدعاة إلى الخير والدعاة إلى الشر والله سبحانه وتعالى أثنى على الدعاة إلى الله وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. Donc, le cheikh, il dit que l'invitation à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'appeler les hommes à Allah et d'inviter les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une chose qui a été établie, et c'est quelque chose qui est arrivé entre Adam et ses ennemis parmi le shaytan, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, a envoyé les messagers, bien entendu, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il leur a donné la charge d'inviter à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, il y a le shaytan de son côté qui, comme on a expliqué, essaie d'égarer les êtres humains. Et donc, le shaytan, c'est l'ennemi de l'être humain. Et le shaytan, il s'est chargé d'essayer de faire tout ce qu'il peut pour égarer les fils d'Adam. Ceux parmi eux qu'il allait être capable d'égarer, il s'est chargé d'essayer de les égarer du mieux qu'il peut. Et donc il mentionne, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 6 dans Surat Fatir, que le shaitan est pour vous un ennemi. Alors prenez-le comme un ennemi. Shaitan est pour vous un ennemi, alors prenez-le comme un ennemi, vous aussi, et il invite son parti pour qu'il soit parmi les gens du Sa'ir, c'est-à-dire de la fournaise, de l'enfer. Donc le shaitan dit qu'il n'y a pas de doute qu'il y a des gens qui invitent les hommes au bien, il y a des hommes qui invitent les gens au mensonge et à la fausseté parmi les diables humains et parmi les diables qui sont composés par les djinns. Il y a des diables hommes et il y a des diables djinns. Ce n'est pas seulement les diables qui font partie des djinns. Il y a des gens qui pensent que, il y a des gens qui s'imaginent ou qui pensent que les shayatins, c'est seulement parmi les djinns. Non, il y a aussi des shayatins parmi les êtres humains qui complètent le travail des diables parmi les djinns et qui évitent les êtres humains à suivre l'égarement. Et même que certains ulama ont expliqué que les shayatins parmi les êtres humains sont plus dangereux que les shayatins parmi les djinns, puisque les shayatins parmi les djinns peuvent uniquement se limiter à inspirer ou essayer d'inciter les hommes à faire le mal, tandis que non seulement ça, les djinns parmi les diables parmi les hommes, eux, non seulement ils ont la capacité d'inspirer et d'inciter les gens à faire le mal, mais aussi ils ont la capacité de forcer et d'imposer ça, même parfois par la force. Donc ils sont beaucoup plus dangereux que les diables djinns. Et le chef nous explique que ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait ce combat entre la vérité et entre le faux, entre les diables et entre les messagers qui invitent à la vérité, pour qu'il y ait un test et qu'il y ait une épreuve pour les serviteurs. Depuis que Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde, jusqu'à la fin de cette dunya, il y aura toujours cette lutte qui va continuer, qui va être constante entre la vérité et le faux, entre les gens qui invitent au bien et les gens qui invitent au mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait des louanges et il a fait des éloges des gens qui invitent les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne les versets 33 et 34 dans Sourate Fussilat dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit: et qui est meilleur en parole que celui qui invite les hommes à Allah, et qui fait des bonnes œuvres, et qui dit: je suis du nombre des musulmans. Et le bien et le mal ne sont pas égaux. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Le bien et le mal ne sont pas égaux. ادفع بالتي هي أحسن. Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite: ادفع بالتي هي أحسن. C'est-à-dire que si on te fait un mal, repousse ce mal par un bien. Et le cheikh il continue la clarification et l'explication en disant: فأخبر أن الدعاة إلى الله هم أحسن الناس قولا، وأيضا وصف الدعاة بأنهم يعملون بما يدعون الناس إليه وعمل صالحا، فالداعية يجب أن يكون أول من يمتثل بما يدعو إليه من الطاعة والعبادة حتى يكون قدوة صالحة وحتى تصدق أقواله أعماله. ولهذا يقول نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام: ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il nous informe que les gens qui invitent à Allah subhanahu wa ta'ala sont les meilleures personnes en parole. Ils sont les meilleures personnes dans leurs paroles. Et il a également indiqué, et il a également clarifié que les gens qui invitent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont des du'ats, qu'ils sont ceux qui agissent selon les choses auxquelles ils appellent les gens. C'est-à-dire qu'ils appliquent ce qu'ils invitent les gens à suivre. Ils donnent l'exemple dans leur comportement. Le cheikh il dit que Allah a mentionné dans ce verset-là, dans Surat Fussilat, « وَعَمِلَ صَالِحًا ». C'est-à-dire non seulement ils invitent à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils sont les meilleurs en parole, mais ils font les bonnes œuvres également. Donc le cheikh il dit que la personne qui invite à Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être le premier à donner l'exemple et à appliquer ce qu'il est en train d'inviter les gens à suivre, et qu'il doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'il sera un exemple, un bon exemple pour les autres, pour que ses paroles soient confirmées par ses actions. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète d'Allah, Shu'ayb, il dit à son prophète dans le Coran, c'est-à-dire il mentionne les paroles du prophète d'Allah Shu'ayb lorsqu'il s'adressait à son peuple dans le verset 88 dans Surat Hud: je ne veux pas vous contredire dans ce que je vous interdis de faire. C'est-à-dire, je ne vais pas vous interdire de faire quelque chose et faire le contraire moi-même. Hein. C'est-à-dire, je vous dis que quelque chose est haram, puis je suis le premier à le faire. Non, ce n'est pas ça ce que je veux. In uridu illa al-islah mastata'. Je ne veux uniquement que la réforme, selon ma capacité, selon ce que je suis capable de faire. Et mon succès n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est uniquement la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que je peux arriver à un succès quelconque dans cette réforme. Et ensuite il dit alayhi tawakkaltu, c'est en Allah subhanahu wa ta'ala que je mets ma confiance à ce sujet-là, wa ilayhi unib, et c'est vers lui que je me repens et je retourne en repentance sincère. Qawluhu ta'ala وقال إنني من المسلمين أي ينتسب إلى الإسلام وإلى المسلمين وجماعة المسلمين لا ينتسب إلى أحد سوى المسلمين ثم يبين الله سبحانه وتعالى أن الداعية إلى الله يتعرض إلى أذى من الناس ولكن أوصاه بأن يدفع بالتي هي أحسن فإذا أساء أحد إليه فإنه يقابل الإساءة بالإحسان لأن هذا يبعث على قبول دعوته ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن Donc le cheikh il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos de cette personne qui invite les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset de surat Fussilat il dit وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Il dit, je suis du nombre des musulmans. C'est-à-dire, il s'apparente à l'islam. Et il dit que j'appartiens au nombre des musulmans. Et je fais partie du groupe des musulmans. Et il ne s'apparente pas à aucun autre groupe autre que les musulmans ou à d'autres choses que aux musulmans. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que cette personne qui invite les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala, elle va avoir de la difficulté et des épreuves de la part des gens. Les gens vont les éprouver de différentes façons et vont leur donner des problèmes parfois du fait qu'ils invitent les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous incite dans ce verset-là de repousser le mal par le bien. Hein? Billati hi ahsan. Donc si quelqu'un te fait du tort ou t'offense ou te fait du mal, au lieu de remettre le mal par le mal, tu remets le mal par le bien. Et si tu agis de cette manière-là, eh bien ça fait en sorte que les gens vont accepter ton invitation et vont accepter ta da'wa. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, la personne, hein, il mentionne dans ce verset-là, dans surat Fussilat, wala tastawi al-hasanat wa al-sayyi'ah. Le bien n'est pas comparable au mal, n'est pas équivalent au mal. Et donc repousse par le bien, ne repousse pas par le mal. Et il mentionne par la suite, fad-da'iyah حينما يؤذى فإنه لا يلتفت إلى ما يقال وما يفعل ضده وأيضا يقابل الإساءة بالإحسان فيحسن إلى من أساء إليه من أجل أن يتجلب الناس إلى الخير لأنه لا يريد الانتصار لنفسه وإنما يريد الخير للناس ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصر لنفسه قط وإنما يغضب وينتصر إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى أما هو في نفسه فهو يؤذى ويقال فيه ويتكلم فيه ولم يكن ينتصر لنفسه بل يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى Le chef il nous donne un point très important ici et il nous dit que la personne qui est da'ya et qui invite les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on l'offense, lorsqu'on lui fait du tort, il ne se retourne pas à ces choses-là et il ne leur donne pas d'importance. C'est-à-dire que lorsqu'on dit des choses à son sujet, ou lorsqu'on fait des choses contre lui, ou lorsqu'on dit des choses contre lui, ou lorsqu'on lui fait du tort, eh bien il remet le bien. Au lieu de remettre le mal qu'on lui fait par du mal, il remet le mal par du bien. Et donc, il fait du bien à ceux qui lui ont fait du tort, pour faire en sorte que les gens soient poussés à suivre le bien. Parce qu'il ne veut pas se défendre pour lui-même, et il ne veut pas essayer de se défendre pour lui-même, pour défendre son honneur ou sa fierté personnelle, non. Lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est uniquement le bien pour les hommes. Hein? Et le cheikh dit, c'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais cherché à se défendre pour sa personne lui-même. Si on l'attaquait dans sa personne, ou si on l'insultait dans sa personne, le cheikh, il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'essayait jamais de se défendre pour lui-même. Mais il se met uniquement en colère, et il essaie toujours de se défendre lorsque lorsque Allah subhanahu wa ta'ala et l'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala sont attaqués. Par les hommes. Alors à ce moment-là, lorsqu'on attaque l'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on attaque la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, là il se met en colère pour Allah et il cherche à venir au secours et de défendre la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, il se fâche et il cherche à défendre la vérité et non pas à se fâcher et à se défendre pour lui-même. أما هو في نفسه en ce qui le concerne lui-même en tant qu'individu, en tant que prophète, si les gens l'insultent ou si les gens ont parlé contre lui, eh bien il ne se mettait jamais en colère pour ça. Et il acceptait, il prenait tout ça et il le supportait, hein, il l'acceptait et il le supportait, il supportait les offenses des gens, il supportait le mauvais comportement des gens, il supportait les insultes des gens et toutes les mauvaises paroles, et il cherchait en ça la récompense de Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne cherchait pas à se venger pour sa personne ou pour son honneur personnel. وهذا ايضا من مقومات الدعوه الاحسان الى المدعوين وان اساءوا هذا مما يجلبهم الى الخير ويرغبهم في الخير اما مقابلتهم بالاساءه فان هذا ينفرهم ادفع بالتي هي احسن. الشيخ يكسبليك encore une fois, il dit que ça fait partie des choses qui renforcent la da'wa, du fait que tu agis avec bonté envers les gens que tu invites, même s'ils te font du mal. Et ça, ça va les ramener vers le bien, et ça va les faire aimer le bien. Et ça, donc, lorsque tu vas remettre aux gens, lorsqu'ils sont mauvais avec toi, tu vas leur remettre du bien, eh bien, ça va les rapprocher, tandis que si tu fais le contraire, tu remets du mal. Pour le mal qu'on te fait, tu remets du mal, eh bien ça va les faire fuir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, repousse le mal par le bien, par qu'est-ce qui est meilleur. Et donc le cheikh il dit, ثم بين أثر ذلك فقال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Et donc après, le cheikh il dit que par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique les effets de cette attitude-là et de ce comportement-là sur les gens. C'est-à-dire, lorsque tu vas remettre le bien pour le mal qu'on t'a fait, tu remets du bien, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Ça va faire en sorte que l'animosité qu'il y avait entre toi et la personne qui t'a fait du tort, elle va disparaître. Hein, et vous allez devenir des amis. Hein. Comme s'il devient un allié qui est amical envers toi, qui va être proche de toi par la suite, du fait que tu lui as remis, au lieu de lui remettre du mal, tu lui as remis du bien. Et ça, c'est quelque chose qui est malheureusement mal compris de la part de plusieurs parmi les du'ats de nos jours, et parfois ils se font accuser, ou ils se font insulter, ou on parle contre eux dans leur dos, ou en personne devant eux, et eux, au lieu d'accepter, de prendre ces accusations, ces insultes-là, et d'être patient, et de demander d'Allah la récompense, eux, qu'est-ce qu'ils font au lieu de ça? Eh bien, ils cherchent à se venger, et à venger leur honneur, et à se défendre, et à essayer de disputer avec les gens, et ça a des effets, qui sont contraires aux effets qu'on recherche dans notre da'wah, c'est-à-dire aux effets de faire en sorte que les gens reviennent à la vérité et acceptent la vérité et qu'ils suivent qu'est-ce qui est bon pour eux. Le cheikh il dit ensuite, ثم بين أن هذه الصفة صفة عزيزة يعني كون الإنسان يصبر ويتحمل ويقابل الإساءة بالإحسان هذه صفة عزيزة فقال وما يلقاها إلا الذين صبروا هذه تحتاج إلى صبر وهو حبس النفس عن الجزع وحبس النفس عن إرادة الانتقام والانتصار وتوطين النفس هذا ما يدفع به العدو الإنسي ويدفع بالإحسان إليه حتى تجتلب مودته ويتألف على الخير أما العدو الشيطاني فبين الله ما يدفع به فقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فالداعية إلى الله يتعرض إلى شياطين الإنس وشياطين الجن أما شياطين الإنس فيقابلهم بالإحسان عن إساءتهم والصفح عن زلتهم وعدم الالتفات إلى ما يقولون وأما العدو الجني فإنه يدفع بالاستعاذة. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué que cette caractéristique de la personne qui invite à Allah subhanahu wa ta'ala et qui repousse le mal par le bien, ça c'est une caractéristique qui est, hein, qui est chère, yani, qui est une caractéristique qui est recherchée, c'est vrai que c'est une chose qui est difficile à faire, mais c'est quelque chose qui a une grande valeur, qui a une grande importance. Donc le fait que quelqu'un, par exemple, fasse preuve de patience et d'endurance, et qu'on lui traite, on le traite d'une mauvaise manière, on agit mal avec lui, on l'insulte, on parle en mal contre lui, et malgré tout, il reste bon, et il remet tout le mal qu'on lui a fait, il le remplace par du bien, et il répond par le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit cette attitude-là en disant que c'est aziz, c'est une attitude qui est une attitude de noblesse et de force. Et il mentionne, il dit, وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Ceux qui arrivent à ce comportement-là, c'est uniquement ceux qui ont de la patience et de l'endurance. Parce que, bien entendu, pour arriver à adopter ce comportement-là, il faut que quelqu'un ait de la retenue. Il faut qu'il sache comment se retenir et comment se contenir sa colère, contenir sa rage et contenir sa volonté de vengeance et de vouloir se défendre pour lui-même. Donc tout ça, ça demande un contrôle et une endurance et une patience. Et il n'y a pas de doute que as-sabr, c'est fondamental dans la da'wah. C'est fondamental dans l'invitation à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit ensuite, donc lorsque tu as affaire avec ton ennemi parmi les hommes, tu repousses le mal qu'il te fait par le bien, comme on l'a vu. Et en agissant de cette manière-là, tu le fais, tu vas faire en sorte qu'il se rapproche de toi et qu'il se rapproche au bien. Tandis que ton ennemi parmi les diables, qui sont djinns, parmi les shayatins djinns, ceux-là, Allah nous a expliqué également dans la suite de du verset de Sourate Fussilat, dans le verset 36, il nous explique comment agir envers le shaitan parmi les djinns. Et il nous dit que, en ce qui concerne celui-là, il dit, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Et si le shaitan, il vient et il essaie de te détourner de ce comportement-là, et de cette attitude-là de remettre le bien pour le mal qu'on t'a fait, alors cherche le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala. Demande à Allah son aide et son refuge, sa protection. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et aie confiance et sache qu'il est l'audient et l'omniscient. Donc le cheikh il résume ça en disant que en ce qui concerne la personne qui invite à Allah, il va avoir à faire face à des diables parmi les hommes et des diables parmi les djinns. En ce qui concerne les diables parmi les djinns, il remet le mal qu'il leur fait par du bien et il les excuse pour leur faute et il ne prend pas en considération le mal qu'ils lui ont fait, tandis que l'ennemi parmi les djinns, eh bien il le repousse en cherchant le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre leurs égarements et leurs déviations. D'accord, donc ça c'est pour ce point. Ensuite le cheikh dit وَهَذَا طَرِيقُ الدَّعْيَةِ النَّاجِحِ أَنَّهُ يَسْتَمِرُ فِي دَعْوَتِهِ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّهُ لَا يَفُدْ فِي عِبَدِهِ أَوْ يَقِلُّ فِي عِزْمِهِ أن فلانا أساء إليه أو تكلم فيه لأنه لا يدعو لنفسه ولا ينتصر لنفسه وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى الله معناها طلب الدخول في دين الله عز وجل الذي خلق الخلق من أجله والذي به سعادتهم وصلاحهم وفلاحهم. فالداعية إلى الله لا يريد من الناس أن يردوا إليه جزاء على دعوته وإنما يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh dit que ça c'est la voix de la personne qui va être un da'ya et qui va avoir du succès dans sa da'wa, qui va avoir du succès dans son invitation lorsqu'il invite les gens à l'islam, et il va continuer et persévérer dans sa da'wa et dans son invitation vers Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne va pas se tourner vers les mauvais comportements que les gens ont eu envers lui, hein, et vers le mal que les gens lui ont fait. Non, il va pas dire je vais cesser d'appeler les gens à Allah et je vais arrêter ma da'wah parce qu'un tel a parlé contre moi, ou un tel a dit telle chose à mon sujet, ou un tel m'a fait du tort. Et il ne va pas chercher à se venger pour lui-même et à essayer de se défendre pour lui-même. Il va continuer à inviter les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala, Hein, parce que la da'wah, c'est ce que ça signifie. La da'wah à Allah, quand on invite les hommes à Allah, ça veut dire quoi? On demande aux hommes de rentrer dans la religion d'Allah. Parce que c'est pour cette raison-là qu'on a été créé. Et c'est pour ça qu'Allah a créé la création. Et parce que c'est dans cette voie que le bonheur de l'humanité se tient. De même que la réforme et le bien de l'humanité et le succès hein, et le bonheur de l'humanité se retrouvent dans la religion d'Allah et dans l'adoration d'Allah. Et donc c'est pour cette raison-là qu'on est en train d'appeler les hommes à Allah. Et non pas pour se défendre soi-même et pour chercher le support et la fierté pour nous-mêmes. Hein. Et le cheikh il dit donc que le da'ya, la personne qui invite les hommes à Allah, il ne veut pas de la part des gens que les gens lui donnent une récompense ou lui donnent des glorifications ou bien que les gens le récompensent dans cette dunya pour son invitation. Hein. Il veut uniquement la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne cherche pas un salaire, il ne cherche pas des glorifications des gens, il ne cherche pas à faire en sorte que les gens l'aiment. Et ça en passant, c'est un point très important aussi dans la da'wah. Et ça c'est ce qui a fait en sorte que beaucoup de du'at, les gens qui invitent les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, se sont égarés du droit chemin parfois à cause de cette raison-là. Hein. Et il y a un de nos mashaykhs aussi, Cheikh Mohamed Aman al-Jami, hein, rahimahullah, qui écrit dans un de ses livres, hein, dans un de ses livres qui s'appelle Al-Aqidatul Islamiyya wa Tarikhuha, il explique que la personne qui va être une da'ya, qui va avoir du succès dans sa da'wah, hein, c'est que celui-là, lorsqu'il va aller vers les gens, il va les appeler, il va leur dire la vérité. Il va les appeler vers le tawhid, vers la aqidah, il va combattre les innovations et les bid'ah, et les égarements et les déviations, et il ne va pas chercher à faire plaisir aux personnes auxquelles il s'adresse. Hein, parce que, comme le cheikh il le disait, c'est qu'il y a des gens qui, quand ils terminent leurs études et leur formation dans l'islam, ils retournent dans leur pays respectif et ils cherchent à avoir l'approbation des différents groupes et des différentes personnes et des différentes tendances des personnes auxquelles ils s'adressent, parfois qui sont dans des déviations, et ils cherchent à faire en sorte que les gens l'aiment et que les gens l'acceptent. Et donc il va dire, il va cacher la vérité pour faire en sorte que les gens soit en accord avec ce qu'il dit. Il ne va pas dénoncer les faussetés qu'ils sont en train de prêcher, ou les erreurs qu'ils ont dans leurs croyances, ou les erreurs qu'ils ont dans leurs pratiques religieuses. Il va se taire au sujet de ces choses-là pour faire en sorte que les gens l'aiment et l'acceptent lui. Et le cheikh dit que cette attitude-là, ce n'est pas l'attitude de la personne qui est sincère dans sa da'wah, et ce n'est pas l'attitude de la personne qui a du succès dans sa da'wah également. Parce que lorsqu'on retourne à la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on voit que l'attitude qu'il a adoptée envers son peuple, qui était parmi les mouchriquins et les adorateurs des idoles, et son attitude envers les juifs et envers les chrétiens également, n'a pas été ce genre de comportement-là. Son attitude et son comportement a été qu'il a dit à ces gens-là la vérité qui venait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a transmis tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de transmettre, sans craindre le blâme d'aucun blâmeur, et sans chercher l'approbation et l'affection et l'amour des gens, yani dans sa da'wah. Donc il fait sa da'wah pour Allah subhanahu wa ta'ala, et pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne cherche pas à se faire aimer et accepter des gens, et c'est-à-dire comme on le retrouve parfois chez certains, qui vont par exemple se taire sur certaines choses qui sont haram. Ils ne vont pas dire aux musulmans, telle chose c'est une chose qui est haram dans l'islam, et mentionner les preuves de cette chose-là. Et ils ne vont pas non plus expliquer à certains points de l'islam qui sont obligatoires dans la religion musulmane, parce qu'ils disent, si je leur dis ces choses-là, et si je leur parle de ces choses-là, eh bien probablement que les gens vont commencer à s'enfuir, et ils ne vont pas vouloir écouter, et à cause de ça, ils se taisent au sujet de la vérité, et ils continuent à laisser les innovations et les ignorances se propager dans la société. Et à la fin, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que leur da'wah n'a aucun impact par la suite. Le mal n'a pas été corrigé, les innovations n'ont pas été corrigées, le shirk et les bid'ah n'ont pas été corrigés, n'ont pas été réformés, et donc ça c'est la mauvaise attitude à adopter dans la da'wah. La personne qui veut avoir du succès dans sa da'wah, elle doit faire face à toutes ces oppositions à la vérité, et les dénoncer, et les critiquer, et les clarifier, et faire savoir aux gens qu'est-ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si parmi les hommes, il y en a qui acceptent, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, il a transmis le message d'Allah. S'il y en a parmi les hommes qui ne sont pas d'accord et qui s'opposent, eh bien, il a établi la preuve contre eux. Et ils n'auront plus d'excuses au jour de la résurrection, puisque le message a été transmis et la vérité a été clarifiée. Peut-être qu'au début et au commencement, peut-être qu'au début et au commencement de sa da'wa, il y a une opposition féroce et difficile, mais Allah subhanahu wa ta'ala, si la personne qui fait cette da'wa a de la sincérité et persévère dans la transmission du message d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il demande l'aide d'Allah, peut-être qu'à la suite de ça, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que le cœur de ces hommes-là auxquels ils s'adressent et de ces femmes auxquelles ils s'adressent va s'ouvrir à la vérité. Et peu à peu, on va les voir entrer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'était juste une note en passant pour faire comprendre qu'il ne faut pas tomber dans l'erreur de certains parmi les du'ats qui parlent aux gens pour leur faire plaisir ou pour les contenter dans leurs égarements et dans leurs erreurs. Au contraire, il ne faut pas apprendre à flatter les gens dans le sens du poil, comme on dit dans l'expression, mais il faut au contraire dire aux gens non pas ce qu'ils veulent entendre, mais ce qu'ils ont besoin d'entendre et ce qui est bon pour eux. Pour yani, lorsqu'ils vont rencontrer Allah au jour de la résurrection, ils seront inshallah soit dans une bonne situation puisqu'ils ont accepté et suivi la vérité, ou bien ils seront parmi ceux contre qui la preuve a été établie, et donc ils n'auront pas d'excuses, et c'est pour cette raison là que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers. Ensuite le cheikh il continue, donc on va lire la suite. Le cheikh il dit والداعيه الى الله لا يريد الرفع هو الرفع والعلو في الارض وانما يريد المصلحه للناس ومنفعه الناس ويريد اخراجهم من الظلمات الى النور هذا الذي يريده الداعيه الناجح اما الذي بعكس ذلك يريد مظهرا او يريد ثناء من الناس فهذا لا شك انه يرجع من أول الطريق عندما يقابل أول عقبة أما الذي يدعو إلى الله فإنه لا ينثني بل يستمر في دعوته قل لا أسألكم عليه أجرا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون لأممهم لا نسألكم عليه أجرا وإنما يريد النفع لكم والخير فإن قبلتم فذلك هو المقصود وإذا لم تقبلوا فنحن قد أبرأنا ذمتنا وأقمنا الحجة عليكم. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il dit, la personne qui fait la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne doit pas vouloir l'élévation pour elle-même, s'élever au-dessus des autres, ou avoir de la puissance et de l'autorité au-dessus des autres sur cette terre ou dans cette dunya. Il veut uniquement le bien des hommes et profiter aux hommes et faire sortir les hommes des ténèbres vers la lumière. Il y a des versets dans le Coran. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il donne le succès dans sa da'wa à celui qui ne veut pas la fierté, qui ne veut pas s'élever au-dessus des hommes dans cette dunya. Et le cheikh il dit ça, c'est en ce qui concerne celui qui veut s'élever au-dessus des hommes et se faire glorifier des gens, ça c'est pas correct. Il dit la personne qui invite à Allah et qui veut le succès et qui est un da'ya qui a du succès dans sa da'wa, eh bien il agit pour le bien des hommes et pour les guider vers la vérité. Mais celui au contraire de cela qui veut se faire voir, qui veut avoir de la glorification, qui veut paraître bien devant les gens, comme beaucoup parmi les prétendus du'at aujourd'hui, qui veulent uniquement avoir une position de prestige et une place d'importance dans la société, être dans les premiers rangs, dans les invitations, dans les occasions et dans les fêtes, se faire inviter et avoir le respect et l'honneur, et par la suite, il se tait. et il cesse d'ordonner le bien, il cesse d'interdire le mal, il cesse d'expliquer aux gens la vérité, et il cesse de clarifier aux hommes les contradictions qu'ils ont dans leur croyance et dans leur pratique, ceux-là, hein, ça c'est pas des gens qui sont des, parmi des doigts qui ont du succès, au contraire. Et ça, on remarque cette attitude-là parmi les gens qui utilisent la science qu'ils ont et la connaissance qu'ils ont pour asservir les gens et les rendre esclaves, hein, et les faire travailler pour eux et profiter des hommes. Et ils cachent la science qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala pour garder les hommes sous leur contrôle. Et ça, c'est bien entendu, c'est pas l'attitude de quelqu'un qui est sincère dans sa da'wah. Donc le cheikh, il dit, il n'y a pas de doute que celui-là, lorsqu'il fait sa da'wah pour avoir la glorification des gens, du premier moment qu'il aura des épreuves ou que les gens vont commencer à s'opposer à lui, il va abandonner sa da'wah. Hein? Tandis que celui qui est sincère envers Allah dans sa da'wah, lorsqu'il invite les hommes à Allah, eh bien il n'arrête pas, il continue. Et il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, je ne vous demande aucune récompense, aucun salaire, hein, comme dans le verset 90 dans Surat Al-An'am. Je ne demande de votre part aucun salaire. Mon salaire incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est ce que tous les messagers d'Allah et tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala ont dit à leur peuple. Je ne vous demande aucun salaire. Je ne vous demande pas de me donner de l'argent. Je ne vous demande pas de me donner des biens. Je ne vous demande pas de m'acheter des voitures. Je ne vous demande pas de me donner du prestige ou des choses de ce genre. Tout ce que je veux, c'est du bien pour vous. Et vous invitez au bien. Si vous acceptez, c'est ça l'objectif et c'est ça le but, tant mieux, alhamdoulilah. Mais si vous n'acceptez pas, alors sachez que nous avons établi notre responsabilité et notre engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala en ayant transmis son message et on a établi contre vous et sur vous la preuve. Et c'est ça notre but et c'est ça notre objectif. Donc ça c'est l'attitude de la personne qui fait la da'wah et qui est sincère dans sa da'wah. Le cheikh dit ensuite, « وَالدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ تَسْبِقُ الْجِهَادِ لِأَنَّ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ إِذَا أَرْسَلَ جُيُوشَهُ يُوصِيهِمْ بِأَنْ يَدْعُوا النَّاسِ قَبْلَ مُقَتَلَتِهِمْ وَيَبْدَأُونَهُمْ بِالدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ فَإِنْ اسْتَجَابُوا فَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا فَعِنْدَ ذَلِكَ يُقَاتِلُونَ وَيُجَاهِدُونَ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فالكفار يدعون إلى الدخول في دين الله والمسلمون الذين عندهم انحراف في العقيدة يدعون إلى تصحيح العقيدة والمسلمون الذين عندهم استقامة على العقيدة ولكن عندهم بعض المعاصي والمخالفات يدعون إلى التوبة وإلى ترك الذنوب والمعاصي فالدعوة إلى الله مطلوبة وهي تتنوع بحسب الحاجة فلا بد من الدعوة إلى الله عز وجل ووظيفة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من العلماء المصلحين إلى أن تقوم الساعة ولا يجوز تركها يقول الله عز وجل في مدح هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ويقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Donc le cheikh il dit, et on va terminer pour cette partie avec ça, le cheikh il dit, et la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala, elle précède toujours la lutte et le jihad. Le cheikh il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait des armées à son époque, il les conseillait toujours et il leur ordonnait toujours de commencer par l'invitation des hommes à l'islam avant le combat. Et donc les sahaba commençaient toujours par l'invitation et d'appeler les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala. Si les hommes acceptaient, alhamdoulillah. Toutefois s'ils refusaient, alors s'ils n'acceptaient pas la da'wah, alors ils les combattaient et ils luttaient dans le but d'élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'elle soit au-dessus de toute autre parole. Et le cheikh il dit donc que les kuffars, les non-musulmans, les non-croyants, on les invite à entrer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce sont des chrétiens, ou des juifs, ou des athées, ou des animistes, ou des gens d'autres croyances comme des hindous, ou des bouddhistes, ou n'importe quelle autre religion qu'ils peuvent suivre, on les invite à se convertir à l'islam et à rentrer dans l'islam. Les musulmans, parmi les musulmans qui ont des déviations dans leur aqidah, dans leur croyance, ceux-là, on les invite à corriger leurs croyances s'ils ont des erreurs. Et tandis que les autres musulmans qui ont une croyance qui est correcte et qui est droite, qui ont une bonne aqida, mais qui ont certains péchés et qui font des contradictions à l'islam dans leur comportement, ceux-là, on les invite à se repentir et à abandonner les péchés et les désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh, il dit que la da'wah et l'invitation à Allah, c'est quelque chose qui est un objectif qu'il faut faire, et elle est différente selon le besoin, selon les gens à qui on s'adresse, comme on l'a vu, selon que ce soit des non-musulmans, ou que ce soit des musulmans qui ont des déviations, ou que ce soit des musulmans qui ont une bonne croyance, mais qui ont des péchés ou des fautes. Donc ça, yani, il faut voir selon les catégories des gens à qui on s'adresse. Et le cheikh dit qu'il faut absolument qu'il y ait un appel et une invitation à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est le travail des prophètes et des messagers, et de ceux qui suivent les prophètes et les messagers parmi les savants et les réformateurs jusqu'à l'heure du jugement. Et il n'est pas permis d'abandonner ce travail, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, hein, pour glorifier cette nation, cette umma, la communauté des croyants, il dit dans sourate Al-Imran, le verset 110, vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Vous ordonnez, vous commandez le bien, et vous interdisez le mal, et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset 104 dans sourate Al-Imran, hein, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et qu'il y ait parmi vous une partie de la umma qui invite les hommes au bien, qui ordonne et commande le bien et qui interdit le mal, et ceux-là sont ceux qui auront le succès. Donc on va prendre une pause pour l'instant, puis on continuera par la suite.